Liu Mingyong, présidente du comité central du parti tchendoïste Chongwu, a publié le 25 un entretien qui dit notamment « La ligne et l'orientation originale avancées par le maréchal Kim Jong-un au 7e congrès du Parti du Travail de Corée pour la réunification de la patrie sont l'événement exceptionnel d'avoir présenté le guide capable d'anticiper la victoire finale de la cause de réunification indépendante. » La tâche et l'orientation énoncées par le maréchal éclairent nettement la direction et les moyens de régler le problème d'unité nationale conformément à la volonté et aux intérêts de la nation et de façon la plus juste, équitable et rationnelle. Nous considérons sa ligne et son orientation comme l'appel patriotique adressé à toute la nation pour la victoire finale de la cause de réunification indépendante et nous œuvrerons de tout cœur pour réunifier la patrie étroitement unie entre les Coréens. Nous développerons les contacts, va-et-vient, solidarité et union entre les organisations sociales et politiques sud-coréennes, notamment les tchendoïstes, et œuvrerons constamment en commun pour ouvrir le grand passage à la réunification indépendante grâce à l'union nationale. Aucune force sécessionniste du pays ou étrangère ne pourra barrer la marche dynamique de notre nation pour la victoire finale de la cause de réunification indépendante. Et dans cette œuvre, le parti tchendoïste Chongwu s'acquittera de toute sa responsabilité et mission lourde.